qui ont un certain taux vibratoire. D'abord pour la protection de l'âme, pour la protection psychologique de l'âme, aussi pour l'élévation de sa conscience mentale, pour le changement vibratoire de son corps mental. Il y a beaucoup d'informations que vous pourrez pas avoir directement par télépathie. Il va falloir qu'elles soient canalisées par une forme d'écriture. Pourquoi? Pour empêcher que le corps mental soit trop mis en vibration. Vous autres, là, pour le moment, probablement, vous pensez que ben, c'est bien intéressant de communiquer avec les autres clans, papa. C'est pas comme ça que ça marche. Communiquer avec les autres clans, tant qu'on n'est pas très, très habitué, que l'ego n'est pas rendu très, très transparent, qu'on n'a pas une conscience très objective de la relation entre notre moi et ces plans-là, ça peut être très, très fatigant. Parce que le moi planétaire est toujours testé, il est toujours amené à ses limites psychologiques, il est toujours amené à vérifier jusqu'à quel point il est libre de la conscience de la race. Donc à partir du moment où l'homme vient en contact avec le plan mental ou des entités du mental, ou appelez ça comme vous voulez, à partir du moment où l'homme vient en contact avec des intelligences systémiques, il doit se protéger du caractère invasif de cette relation-là. Et c'est dans ce sens-là que l'écriture automatique est utile. Mais ça va prendre un certain temps avant que l'homme puisse faire de l'écriture automatique créativement. Parce que son corps mental ne sera pas ajusté à sa fonction psychomotrice, dans le sens qu'il n'aura pas été suffisamment transmuté au niveau de ses corps subtils pour pouvoir canaliser directement l'information et ne pas porter atteinte psychologique subjective à l'information. Donc, il y a un travail qui se fait, il y a un travail qui devra se faire. Puis ça peut durer des années de temps. La raison pour laquelle je veux parler de l'écriture automatique, c'est parce que je veux faire comprendre que l'écriture automatique auquel on a été habitué pendant l'évolution, c'est une énergie astrale. Alors que l'écriture automatique dont je parle au cours de l'évolution, ça sera une énergie mentale. C'est l'énergie mentale qui sera la force derrière ce mouvement-là, et non pas une entité dans le monde de la mort. Et la différence est importante, parce que si vous avez de l'écriture automatique qui est le résultat de l'activité d'une entité astrale, c'est de la connerie que vous allez avoir sur le papier. Parce que l'astral, c'est un plan qui constamment tend à maintenir l'homme dans une forme quelconque d'ignorance. Donc, pour que l'homme puisse se servir de cette écriture automatique-là, puis finalement faciliter la descente de l'énergie, se reposer l'esprit, ainsi de suite, il va falloir qu'il soit capable d'intervenir dans la vibration quand il écrit. Autrement dit, quand vous écrivez, vous facilitez le processus de communication télépathique, mais il faut que vous soyez capable instantanément d'intervenir dans la fabrication du geste, dans l'information qui descend. Sans ça, si vous n'êtes pas capable d'intervenir, vous devenez un outil, vous devenez une extension d'une énergie dans l'invisible qui vous manipule et qui se sert de votre corps physique pour balbutier de l'information. Si les gens étaient capables de faire de l'écriture automatique facilement, dans le sens que je le parle, l'homme pourrait créer des livres, des bouquins comme la Genèse du réel avec grande facilité dans leur vibration, selon leur propre rayon, et on accéderait à de l'information de par le monde extraordinaire concernant l'évolution de la psychologie évolutionnaire ou la nature des plans, parce que chaque individu est un cristal, chaque individu est une lumière, chaque individu a une relation avec l'invisible qui est totalement différente de l'autre, même si foncièrement ces relations-là sont universelles et uniquement réunies. Mais pour pouvoir écrire, donc rendre service à l'humanité, informer l'homme, faut qu'on soit capable, quand on écrit, d'être le juge et le critique et l'éditeur de ce qui est écrit. Mais si on n'a pas contact mental à deux sens, et qu'on n'est pas capable d'injecter dans ce rapport-là notre propre conscience, à ce moment-là, on ne peut pas corriger l'information. On ne peut pas l'éditer, l'information. On ne peut pas l'ajuster, l'information. Et surtout, on est incapable d'en éliminer les courants spirituels. Et si vous n'êtes pas capable, dans le temps, d'écrire des livres qui sont libres de toute trace spirituelle, vous ne serez pas capable de rentrer dans le mystère et d'expliquer à l'homme la genèse systémique de son évolution, l'origine des systèmes et l'évolution des grandes forces dans l'univers, puis des mondes parallèles qui sont responsables pour l'évolution des vagues de vie, des systèmes de vie, puis des gouvernements qui existent dans l'univers entier. Donc, vous ne serez pas capable d'accéder au mystère. Donc, vous serez encore vicié par le besoin qui dure depuis des millénaires de poser les questions, puis de ne pas avoir de réponse. Pendant l'évolution, on a cru poser les questions et on a attendu les réponses. Dans l'évolution, on créera les réponses. Point final. Avoir des questions, c'est symptomatique. C'est symptomatique de notre impuissance à la source. Avoir une question, c'est symptomatique de l'impuissance à la source. Un homme qui est en puissance à la source n'a pas de question, il a rien de répondre. T'as pas besoin d'avoir un PhD en logique pour ça. Avoir des questions, c'est symptomatique de l'impuissance à la source. Donc, avoir des questions, ça réfléchit, ça indique, ça témoigne de notre conscience évolutive. Alors que donner, créer des réponses, puis c'est pas pour rien que j'emploie le terme « créer des réponses » au lieu que de simplement donner des réponses. Créer des réponses, ça veut dire éditer le matériel qui nous vient par télépathie. Éliminer de ce matériel-là les petits courants subtils astro qui spiritualisent la conscience et qui nous empêchent, en tant qu'être intelligent, de participer créativement à la structuration de la connaissance, c'est-à-dire au développement d'une science systémique qui peut expliquer tous les plans, tous les sous-plans. Investiguer les structures gouvernementales qui s'occupent de l'évolution des systèmes de vie, des formes de vie, des intelligences et des consciences, donc des vagues de vie qui font partie du phénomène unique dans notre galaxie de ce qu'on appelle la conscience vivante. Il faut que l'homme soit capable de créer les réponses. Mais créer les réponses, ça implique, pour l'être humain de l'évolution, une capacité d'éditer l'information qui passe dans son canal quand il est mis en vibration et qu'il est en contact télépathique avec les plans. Si l'homme n'est pas capable d'éditer l'information, l'homme à ce moment-là est simplement un outil de l'invisible. Et à ce moment-là, il est possiblement un outil de l'invisible astral, donc il est en communication avec le monde de la mort, donc il est en communication avec des âmes qui sont désincarnées, qui représentent simplement des humains qui étaient vivants dans une autre vie, donc il est en communication avec des plans de conscience qui sont aussi sans dessin que nous autres. Donc l'édition de l'information, de l'information télépathique, de l'information qui vous vient dans le mental lorsque vous êtes en vibration, ça fait partie de la capacité de l'homme d'établir les bornes du réel en fonction de la vibration qu'ils ont, dans la mesure où cette vibration-là est totalement mentale. Un homme qui a une vibration mentale, qui n'est pas astralisée, est aussi efficace psychiquement, électriquement, intelligemment, qu'une entité qui est sur un autre plan, qui n'a pas de corps matériel, mais qui fait partie des vagues de vie. Comprenez-vous ça? Une intelligence humaine dans un corps matériel qui est capable d'éditer l'information, c'est-à-dire ne pas colorer astralement la communication qui est établie entre lui et le plan mental, il est aussi avisé dans la construction des systèmes de connaissances, donc dans le savoir, qu'une intelligence qui est sur un autre plan, avec la seule distinction qu'il n'a pas, pour le moment, le véhicule nécessaire pour observer la qualité précise de cette information-là. Je vous donne un exemple. Disons qu'on discute des éternels. Bon, là, je suis dans une salle, d'un corps physique. C'est évident, je ne les vois pas, les éternels. Par contre, si je suis dans le mental et que j'édite la vibration, quand je la parle, parce que je n'ai pas besoin de la recevoir, là, je suis trop habitué, quand je la parle, si je l'édite, c'est-à-dire, si je suis suffisamment conscient pour la désastraliser instantanément au fur et à mesure que je parle, à ce moment-là, je suis capable de vous définir qu'est-ce que c'est un éternel. Quel est leur rôle? Puis je vais vous le faire là, pour vous donner un exemple. Et à ce moment-là, si j'ai à vérifier ce que je dis, j'ai simplement à sortir de mon corps physique, aller à la conscience moronciel, puis venir en contact avec ces intelligences-là qu'on appelle des éternels, pour finalement établir un lien moronciel, télépathique, sur les plans systémiques qui font partie de l'évolution. Ce que l'homme doit comprendre, ce que l'homme n'a jamais saisi pendant l'évolution, c'est qu'il n'était pas aussi loin que de l'invisible qu'il pensait. La seule raison qu'il était loin de l'invisible, c'est parce qu'il n'était pas capable d'éditer sa pensée. Et l'homme devra en arriver un jour à éditer sa pensée. C'est-à-dire, éliminer les aspects astraux de sa conscience évolutive, les éliminer complètement pour ne vivre temporairement que dans les aspects architecturaux de son mental. Donc, c'est quoi un éternel? Un éternel, c'est ce que tu peux dire de lui. Donc, quand tu définis un éternel, la définition est en fonction de ta propre éternité, est en fonction de ta propre infinité, donc est en fonction de ton propre rayon, donc est en fonction de ta propre conscience mentale. Quand je parle de conscience mentale, je parle d'une conscience qui n'est pas astralisée puis qui n'est pas conditionnée par la mémoire de la race. Donc, les éternels, ils vont être ce que je veux qu'ils soient. Donc, si je décide de prendre un crayon pour faciliter la distribution de l'information, je peux dire, bon, ben, un éternel, c'est une entité qui est intelligente, qui a une forme, qui n'a pas de corps matériel, qui est sur le plan moronciel, qui est sur le plan systémique, et dont le travail fondamental est d'établir des relations ordonnées entre les catégories d'intelligence systémique qui s'occupent de la distribution du pouvoir et de la pensée dans l'univers local. Ça, c'est une de leurs jobs. C'est évident que quand tu es rendu à un certain point d'études dans les mystères, tu n'as plus besoin de vérifier ce que tu dis. Parce que tu n'es plus prisonnier du vrai et du faux. D'ailleurs, c'est une des conditions fondamentales de la psychologie évolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'on a été piégé pendant l'évolution? C'est parce que les systèmes religieux et philosophiques ont basé la conscience de l'homme sur le vrai et le faux. Donc, on a voulu atteindre la vérité. En voulant atteindre la vérité, on a été piégé par le mensonge, donc on a polarisé notre mental, et en polarisant notre mental, on a été incapable de diviser notre rayon, donc s'actualiser créativement dans un mode de conscience télépathique. Donc on est obligé de réfléchir comme saint Thomas d'Aquin, mais on n'a jamais été capable, en tant qu'être, d'établir les normes volontairement et les limites infini d'une conscience créative qui est capable de dicter ce qui existe dans l'invisible à partir du moment où l'homme n'est plus régi par les lois de la mort. Fait que si je vais aller plus loin dans la définition des éternels. C'est quoi un éternel? Un éternel, c'est un être qui a la capacité, à cause de sa très grande vitesse et de sa grande immobilité, c'est-à-dire sa capacité d'exister en dehors des temps systémiques, c'est un être qui a la capacité de créer à volonté dans l'intelligence des vies en évolution dans le système local, comme l'univers local, créer ce qu'on appelle une conscience. La job des éternels, c'est de créer le phénomène de la conscience. Mais c'est quoi le phénomène de la conscience? Ça revient à un être conscient de pouvoir définir qu'est-ce que c'est le phénomène de la conscience. Une lumière, ça devrait être capable de définir sa réalité. Une lumière, ça devrait être capable de définir son mouvement. Une lumière, ça devrait être capable de définir sa programmation. Une lumière, ça devrait être capable de définir son origine, si elle n'a pas peur d'être éteinte ou de se perdre dans son origine. Si une lumière a peur de se confondre ou d'être confondue dans son origine, elle cesse d'être lumière, elle devient un ego planétaire. Donc à ce moment-là, elle n'est plus capable d'expliquer la fonction de l'éternel ou de rentrer dans l'étude des mystères. Comprenez-vous ce que je dis? Donc un éternel, c'est une intelligence qui a la capacité de créer une pulsation dans un univers local qui crée de la conscience, donc de faire vibrer une lumière particulière dans un univers local, une lumière tellement haute en vibration qu'elle est capable de pénétrer dans toutes les couches de conscience créées depuis le début de la création. Ça veut dire le monde minéral, végétal, plantaire et humain et supra-humain. C'est ça la job d'un éternel. Il n'y a rien là. Parce que ça fait partie des constantes universelles absolues qui distribuent absolument une énergie pour le bénéfice absolu d'une conscience qui a le droit absolu de revenir à la source. C'est le rôle des éternels et c'est le but final de l'évolution et c'est finalement le droit des hommes sur notre planète ou dans d'autres mondes de revenir à la source. Là, il y en a qui vont dire, si on revient à la source, il n'y aura plus de mouvement, ça va être plate, on va s'ennuyer. C'est un petit peu comme quand on était jeune. Qu'est-ce qu'il va faire, mais qu'on allait au ciel, ça va-tu être plate? On va être là pour tout le temps. Si on va en enfer, ça va-tu être terrible, on va brûler tout le temps. Donc, il y a des concepts psychologiques qui font partie du moi planétaire, qui font partie des limites de la conscience de la race, parce que l'homme n'est pas capable de sortir en conscience moronciel. Il y a des limites psychologiques qui font en sorte que l'homme, en tant qu'être pensant, n'est pas capable d'infléchir dans sa conscience le genou de son infinité, parce qu'il n'a pas le pouvoir de mettre en vibration sa lumière. Puis pourquoi est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de mettre en vibration sa lumière? Parce qu'il a peur de savoir. On a toute peur de savoir, parce qu'on a toute l'impression qu'on ne sait rien, alors que l'homme est lumière, alors que l'homme a accès à ça. Mais pour que l'homme puisse découvrir les mystères, rentrer dans les archives et finalement dévoiler à l'humanité la merveilleuse orchestration de tout ce mouvement cosmique-là qu'on appelle la création, faut que l'homme soit capable, dans l'instantané, de passer de sa personnalité à sa personne, de passer de la pensée qui réfléchit à la pensée qui crée, c'est-à-dire d'être capable et de vouloir établir par lui-même les normes, les limites du savoir dont il a de besoin pour explorer dans le temps où il est les infinités qui existent. Il faut que ce soit nous autres en tant qu'individus qui disent, là, on est en 1995, c'est assez les conneries, là, la Vierge qui apparaît à gauche pas à droite, là, c'est quoi cette crise d'affaires-là? C'est telle affaire. Si l'homme n'est pas capable d'établir les limites du phénomène, parce que l'homme a la crainte d'être dans l'erreur, parce que l'homme est prisonnier de la polarité du vrai et du faux, à ce moment-là, l'homme n'a pas de conscience mentale, il a simplement une conscience réfléchie et il sera incapable de rentrer dans les mystères, donc il sera incapable de créer un lien entre son âme, qui est la mémoire, la totalité de sa mémoire, et la source, donc de développer une conscience morontielle. Donc c'est évident que l'homme, quand il va mourir, il va aller sur l'astral. Il va aller vers la lumière du nord au lieu d'aller vers la lumière du sud systémique, parce que si l'homme n'est pas capable d'identifier la lumière du sud systémique quand il meurt, il est fait à l'os, parce que quand il rencontre la lumière du nord systémique, tout ce qu'il pense, c'est que c'est le bon Dieu, que c'est une divinité, puis c'est pas ça, c'est simplement une soucoupe volante qui est très très loin dans le cosmos, en très loin de lui sur le plan astral, et qui le magnétise et qui l'attire à elle. Alors que l'homme, quand il ira dans le monde de la mort, sur le plan, et qui, sur le plan monontiel, et qu'il verra la lumière, la lumière, ce sera la lumière du nord, du sud systémique. Et quand l'homme verra la lumière du nord, du sud systémique, au lieu d'être attiré par elle, comme il le fait quand il meurt en conscience astrale, c'est la lumière systémique qui viendra vers lui. Et quand la lumière systémique viendra vers l'homme, à ce moment-là, il verra, quand elle se rapprochera, que c'est un immense vaisseau volant qui fait partie des vaisseaux séraphiques. L'homme pourra rentrer dedans et commencer à voyager. Mais c'est quoi l'affaire? Il va falloir que l'homme, un jour, en arrive à pouvoir démystifier sa conscience. Ça, ça fait partie du rôle, de la fonction et du but éventuel de la psychologie évolutionnelle. Si l'homme n'est pas capable de démystifier sa conscience, l'homme va toujours demeurer prisonnier de la mémoire de la race. Quand Shakespeare disait « Il y a plus dans l'invisible que toute l'imagination des âmes », c'est ça que ça voulait dire, « Il y a plus dans l'univers local, dans les mondes parallèles, dans les univers parallèles, il y a plus que tout ce que l'homme peut imaginer sur le plan matériel, alors qu'il est prisonnier de son moi planétaire. » Donc, l'homme aura besoin d'une psychologie évolutionnaire. Donc, c'est évident que dans l'évolution d'une conscience vers une psychologie évolutionnaire qui sera le highway de l'art, qui l'amènera finalement à son fameux Internet personnel, l'homme sera capable éventuellement d'expliquer, de découvrir les mystères. Et rendu à ce point-là, l'homme sera suffisamment évolué qu'il n'aura plus besoin d'aller vers la mort astrale, il pourra aller vers la mort mononciel. L'homme pourra garder sa personnalité, l'homme pourra garder son identité, l'homme sera en contact avec sa source, alors qu'il ne l'est pas quand il meurt. Et à ce moment-là, l'homme pourra commencer à voyager dans l'univers local et commencer à développer des civilisations qui sont d'un autre ordre, mais qui n'existent pas aujourd'hui, parce que le lien a été rompu lorsque l'homme est devenu un membre de la race adamique. Donc, la destruction de la fascination, la destruction de la mystification, c'est le début du développement de la psychologie évolutionnaire. Un homme qui est moindrement fasciné, fascinable, mystifié, mystifiable, magnétisé, magnétisable, ne peut pas avoir d'idée de ce que c'est une psychologie évolutionnaire. Parce qu'il n'est pas capable de réaliser que sa conscience, c'est une force, c'est une puissance créative qui est libre de son corps matériel. Elle est libre de son corps matériel. Elle est connectée à son corps matériel à cause de l'âme, mais elle est libre de son corps matériel. Les parois de notre existence sont la spatio-temporalité. Les parois de notre réalité sont infinies. La conscience évolutionnaire permettra à l'homme de réaliser que les parois de sa réalité sont infinies. Et tant que l'homme sera assujetti aux parois de son existence, l'homme sera régi par les lois de la spatio-temporalité. Donc, il sera régi par les lois de la conscience de la race. Donc, il y aura un égo réflectif, il y aura une conscience psychologique, il y aura un moi qui pense, il y aura un moi qui fondera sa réalité sur le principe du jeu, parce que l'homme voudra conserver son libre arbitre, alors que le libre arbitre est simplement une façon de le garder dans l'ignorance. Quand l'homme sera libre, l'homme dictera, de par sa conscience, aux autres consciences, les bornes de l'infinité, c'est-à-dire les territoires à investiguer pour le développement de sa conscience et des autres consciences. On n'a pas besoin de savoir plus que ce qu'on a besoin de savoir. C'est inutile pour l'homme aujourd'hui, dans le temps où il est, de savoir, par exemple, qu'un atome matériel, dans le monde matériel, c'est la projection très très rapide dans l'univers local